À travers la parole, l'homme apprend à connaître l'œuvre de Dieu, son tempérament. L'homme connaît son essence, en quoi il doit entrer. À travers la parole, toute l'œuvre que Dieu désire pour l'ère de la parole est accomplie à travers la parole. L'homme est révélé, éliminé, éprouvé. Dans l'ère du règne, Dieu se sert de la parole pour initier une nouvelle ère, pour changer les moyens de son œuvre et faire l'œuvre de l'ère entière. Quel est le principe de Dieu par lequel Dieu œuvre dans l'ère de la parole? Dieu s'est fait chair pour parler. Diverses perspectives permettant à l'homme de voir réellement Dieu, voir sa splendeur et sa grande sagesse. L'homme voit et il entend la parole, il connaît aussi l'existence de la parole, au point que l'homme croit en l'existence de Dieu. Son omnipotence et sa sagesse, il croit aussi au cœur d'amour de Dieu pour l'homme et à son désir de sauver l'homme. Le mot parole est commun et simple, la parole de la bouche de Dieu transformée en chair ébranle la terre et les cieux, change le cœur, les notions, le vieux tempérament de l'homme et l'ancien monde. Dans l'ère du règne, Dieu se sert de la parole pour initier une nouvelle ère, pour changer les moyens de son œuvre et faire l'œuvre de l'ère entière. Dans l'air de la parole, Dieu s'est fait chair pour parler. Depuis diverses perspectives permettant à l'homme de voir réellement Dieu, voir sa splendeur et sa grande sagesse. Et la parole apparaissant dans la chair, une telle œuvre est pour mieux atteindre les objectifs de conquérir l'homme, perfectionner l'homme et de l'éliminer, c'est la vraie signification. À travers les âges, seul le Dieu d'aujourd'hui œuvre, parle et sauve l'homme de cette manière. L'homme vit sous la conduite de la parole, encadré et nourri par la parole. Tous les gens vivent dans le monde de la parole, les malédictions, les bénédictions de sa parole. Beaucoup sont jugés et châtiés par la parole, les paroles et les œuvres pour sauver l'homme. Accomplir la volonté de Dieu et changer le vieux monde créé. Dieu créa le monde, il conduit les hommes à travers l'univers, les conquiert et les sauve par la parole. Et dans la plénitude du temps, il mènera à sa fin l'ancien monde tout entier par la parole. Une fois qu'il aura fait cela, son plan de gestion sera entièrement complet. Dans l'ère du règne, Dieu se sert de la parole pour initier